Dieu, loué de nom David sa voix pour être dans l'esprit. Jésus à la croix, en sonnant sa vie, Dieu de la foi de sa vie, en Christ dans son église. Sa vie, Dieu.